إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous voici une nouvelle fois réunis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'explication de certains hadiths compilés par Al-Hafir Al-Nawawi rahimahullah dans son épître Al-Arba'un Al-Nawawiya. L'auteur nous dit rahimahullah. Le quatrième hadith, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le très véridique, nous a raconté ce qui suit. Certes, chacun de vous voit sa création réunie dans le ventre de sa mère pendant 40 jours en une gouttelette. Puis, il devient du sang coagulé pendant une même durée de temps. Puis, il devient comme une bouchée de chair pendant une même durée de temps. Ensuite, l'ange lui est envoyé et lui insuffle l'âme. Et il est ordonné à celui-ci d'accomplir 4 commandements. D'inscrire sa subsistance, le terme de son existence, ses actions, et enfin son malheur ou son bonheur futur. Puis il nous dit: par Allah, en dehors de qui il n'est pas d'autre divinité digne d'être adorée, certes, l'un d'entre vous aurait beau œuvrer comme l'ont fait ceux destinés au paradis, en sorte qu'il s'en approcherait à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplirait quand même les actions des gens de l'enfer. Et il y entrerait. Et certes, l'un d'entre vous aurait beau œuvrer comme les gens de l'enfer, au point de s'approcher de l'enfer à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, en sorte qu'il accomplirait les actions des gens du paradis et qu'il y entrerait. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith immense que nous avons entre les mains traite de plusieurs points. Entre autres, les étapes par lesquelles passe la création de l'être humain et ce qui lui a été décrété pour sa vie future. Donc deux points qui traitent de ce qui se réfère à l'invisible, la création de l'être et ce qui lui a été décrété dans ce bas monde et dans sa vie future. C'est pour cela qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu a débuté ce hadith par ses propos et par sa parole. Nous avons été informés par As-Sadiq al-Masdouq, qui est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc As-Sadiq, c'est-à-dire le véridique dans ses propos. Al-Masdouq, c'est-à-dire celui qui a reçu une information véridique. Donc tout cela pour certifier et pour appuyer l'authenticité des propos qui vont être cités dans ce hadith. Noble savant, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit à ce sujet. Et certes, Ibn Mas'ud a cité cette phrase, As-Sadiq al-Masdouq, car les propos cités sont en rapport avec des choses de l'invisible, qui ne sont pas apparentes. Et il n'y avait pas à l'époque une grande avancée dans la médecine pour que les gens puissent savoir ce qui se passe lors de la création de l'être humain. Et au-dessus de ce qui se réfère à la médecine, nous avons dans le hadith l'écriture de la subsistance de la personne, son terme, ses œuvres et son bonheur ou malheur futur. Et c'est pour cela qu'il fait partie de la grande science de Abdullah ibn Mas'ud qu'il ait cité cette phrase qui vient appuyer les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-Sadiq al-Masdouq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Puis quant à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, la création de l'un d'entre vous est certes réunie dans le ventre de sa mère durant 40 jours. Il a été dit comme explication de cela, c'est-à-dire qu'il est réuni entre l'eau de l'homme et celui de la femme, donc que l'être humain est créé à partir de l'eau provenant de l'homme et celui provenant de la femme, qui sera réuni pendant 40 jours dans le ventre de la femme. Tout comme il a été dit, comme cela a été rapporté dans certains récits de Salaf, que le sens de cette parole est que l'eau provenant de l'homme, après avoir été dispersée et réunie dans le ventre de la mère lors du rapport entre l'homme et la femme, sera réunie en une goutte qui est appelée an-nutfa, pour ensuite devenir du sang coagulé, l'adhérence. Puis, après ces deux étapes, la notofa, puis l'adhérence, qui auront chacun 40 jours, la personne devient une moudra, c'est-à-dire un embryon, qui est de la taille d'une bouchée. Donc de la chair qui sera de la taille d'une bouchée, ou bien d'une chose qui peut être mâchée. Cela pendant une période de 40 jours aussi. De 40 jours aussi. Donc, ces trois étapes viennent avant l'insufflation de l'âme et ont une durée de 120 jours, qui sera 4 mois. Al-Natafa, Al-Alaqa, puis Al-Mudra, donc qui est l'embryon. Puis, cette Mudra, cette bouchée de chair, évolue aussi au point de devenir une autre création. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le cite d'après l'essence du verset. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Surat al-Mu'minun, du verset numéro 12 au verset 14. Puis ensuite, dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit: puis l'ange lui est envoyé et insuffle l'âme. C'est-à-dire qu'après ces 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange parmi les anges qui vient insuffler l'âme par laquelle le corps prend vie. Donc à ce moment-là, le corps prend vie. Et quant à l'âme qui est insufflée en elle-même, ou bien la manière dont elle est insufflée, nous n'avons aucune connaissance de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de l'âme, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut questionné sur celle-ci. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: et il te questionne à propos de l'âme. Dis: certes, l'âme fait partie de l'ordre de ton Seigneur. Et il ne vous a été donné de la science que très peu. Surat al-Isra, verset 85. Donc, tout ce qui se réfère à l'âme fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne nous est pas parvenue. Puis, cet ange, après avoir insufflé l'âme, est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala d'écrire quatre choses. Premièrement, rizqu, sa subsistance. Qu'elle soit mondaine, c'est-à-dire ce par quoi son corps va tenir, il va vivre, ou qu'elle soit religieuse, c'est-à-dire la science et la foi. Puis son terme, c'est-à-dire le temps qu'il passera dans ce bas monde, qu'il soit long ou court. Troisièmement, ses œuvres, c'est-à-dire ce qu'il accomplira comme œuvre, bonne ou mauvaise. Puis son bonheur ou son malheur, c'est-à-dire est-ce qu'il fera partie des gens de la félicité, des gens du paradis, ou bien des gens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet d'après l'essence du verset: quant à ceux qui sont damnés, alors ils seront en enfer, où ils auront des soupirs et des sanglots. Al-Nar, les gens de l'enfer. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala: et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que durera les cieux et la terre. Al-Ayah, Surat Hud, verset 105 à verset 107. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam: je jure par celui dont il n'y a aucune divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, en dehors de lui. Certes, l'un d'entre vous œuvre, accomplit des œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis qu'une coudée, puis il est rattrapé par ce qui lui a été écrit, et il œuvre des œuvres des gens du feu, puis il y entre. Noble cher Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit à ce sujet, c'est-à-dire qu'il œuvre, il accomplit des œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il soit proche de son terme, c'est-à-dire de sa mort. Et le sens n'est pas que ses œuvres qu'il a accomplies l'ont rapproché du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Cela car les œuvres qu'il a accomplies ne sont en réalité pas des œuvres pieuses. Comme il a été cité dans le hadith, certes, l'un d'entre vous œuvre des œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux yeux des gens, alors qu'il fait partie des gens du feu. Donc le sens du hadith est que la personne va œuvrer, va accomplir des œuvres des gens du paradis en apparence. Mais cette personne aura une maladie dans le cœur, une chose qui fera que ses œuvres ne seront en réalité pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fera qu'à la fin, il aura une mauvaise fin. Puis il nous dit, rahimahullah, cela, car certaines personnes se demandent et ne comprennent pas comment est-il possible qu'une personne accomplisse les œuvres des gens du paradis, puis que le destin le rattrape, et donc qu'elle accomplisse les œuvres des gens du feu, puis qu'elle y entre. Il nous dit, rahimahullah, nous disons à cela, cette personne a accompli les œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux yeux des gens. Elle n'a donc en réalité pas avancé, et donc ne s'est pas approché du paradis. Cela jusqu'à ce que son terme approche, c'est-à-dire sa mort, et le livre le précède, et il accomplit donc les œuvres des gens du feu. Donc il délaisse les premières œuvres qu'il accomplissait, cela car il avait en lui dans son cœur une dasissa, une maladie cachée. Puis il nous dit, et nous demandons au refuge à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a fait tomber en enfer. Donc cette personne avait dans son intérieur une dasissa. Puis il nous dit, rahimahullah, je dis cela pour ne pas qu'il soit pensé du mal d'Allah, car par Allah, il n'y a aucune personne qui se dirige vers Allah avec véracité et sincérité sans qu'Allah ne l'abandonne jamais, car Allah est plus généreux que son serviteur. Mais cela arrive seulement lorsque la personne a une maladie dans le cœur. Puis le cheikh rahimahullah nous cite deux récits représentant l'exemple cité dans le hadith par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la personne qui en apparence accomplit les œuvres des gens du paradis, mais fait partie du feu, et quant à la personne qui en apparence accomplit des œuvres des gens du feu et finit par faire partie des gens du paradis. Quant au premier récit qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah et Muslim, il est celui de l'homme qui était avec le messager sallallahu alayhi wa sallam dans une expédition militaire. Et cet homme était très ardent dans le combat, à tel point où les gens se sont étonnés de lui et lui ont fait des éloges. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il fait partie des gens de l'enfer. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont trouvé cela étonnant. Comment cette personne peut-il faire partie des gens de l'enfer? Un homme a dit, je vais certes le suivre. Puis cet homme a été pris par une flèche venant de l'ennemi. Il a donc perdu patience, a sorti son épée, a placé le bout de celle-ci sur sa poitrine et s'est appuyé dessus jusqu'à ce qu'elle ressorte de par son dos. Il a donc mis fin à ses jours. Puis l'homme est venu au messager sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, pourquoi? L'homme dit, l'homme à propos duquel tu as dit qu'il faisait partie des gens du feu a fait telle et telle chose. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, certes, l'un d'entre vous accomplit les œuvres des gens du paradis en apparence, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Puis, quant au deuxième récit, montrant une personne ayant accompli des œuvres des gens de l'enfer, puis a fini sa vie par de bonnes œuvres. Il est celui d'un homme venant de Bani al-Ash'al, qui était une personne qui rejetait l'islam et qui était un ennemi de l'islam. Puis lorsqu'est survenue la bataille de Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala a jeté la foi dans son cœur. Il est donc sorti combattre avec les musulmans et a été tué martyr. Puis, lorsque les gens comptaient leurs morts après le combat, cet homme a été vu. Ils l'ont donc dit, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Es-tu venu par pitié pour ton peuple ou par envie de l'islam? Il a répondu, radiallahu anhu, par envie de l'islam. Puis, il leur a demandé de transmettre ses salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela a donc été sa fin, alors qu'il était auparavant un ennemi de l'islam. Intaha kalamu rahimahullah. Le noble cheikh Abdel Mohsin al-Abbad rahimahullahu nous dit en commentaire de ce hadith. Ce hadith montre que la personne doit être entre la peur et l'espoir. La peur, car parmi les gens, il y en a qui accomplissent le bien durant leur vie, puis ils finissent sur une mauvaise fin. Et la personne ne doit pas désespérer non plus, car il se peut que la personne accomplisse des péchés pendant un long moment, puis Allah lui fait grâce de la guider, et il est donc guidé à la fin de sa vie. Donc, celui qui est bienfaisant doit avoir peur d'une mauvaise fin, et que le malfaisant ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et donc, à travers cela, nous comprenons qu'il est interdit de juger qu'une personne fait partie des gens du paradis ou de l'enfer en se basant seulement sur ce qu'elle accomplit comme œuvre. Si ce n'est ce pour qui le messager sallallahu alayhi wa sallam a attesté du paradis ou de l'enfer. Et quant au reste des gens, nous espérons le bien pour les gens du bien et craignons le mal pour les malfaisants. Car l'entrée au paradis ou en enfer est une chose qui relève de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et est une chose qui se fait en fonction de ce sur quoi la personne finira. Et la connaissance de cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce de nous compter parmi ses serviteurs qui auront une bonne fin et qui seront comptés parmi les bienheureux dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.